Section 15. Troisième partie. Livre quatrième. L'île d'Elbe. Commencement des 100 jours. Retour de l'île d'Elbe. Torpeur de la légitimité. Article de Benjamin Constant. Ordre du jour du maréchal Soult. Séance royale. Pétition de l'école de droit à la Chambre des députés. Projet de défense de Paris. Fuite du roi. Je pars avec Madame de Chateaubriand. Embarras de la route. Le duc d'Orléans et le prince de Condé. Tournai. Bruxelles. Souvenir. Le duc de Richelieu. Le roi à Gand m'appelle auprès de lui. Les 100 jours à Gand. Suite des 100 jours à Gand. Affaire à Vienne. Bonaparte avait refusé de s'embarquer sur un vaisseau français, ne faisant cas alors que de la marine anglaise, parce qu'elle était victorieuse. Il avait oublié sa haine, les calomnies, les outrages dont il avait accablé la perfide Albion. Il ne voyait plus de digne de son admiration que le parti triomphant, et ce fut l'Undaunted qui le transporta au port de son premier exil. Il n'était pas sans inquiétude sur la manière dont il serait reçu. La garnison française lui remettrait-elle le territoire qu'elle gardait? Des insulaires italiens, les uns voulaient appeler les Anglais, les autres demeuraient libres de tout maître. Le drapeau tricolore et le drapeau blanc flottaient sur quelques caps rapprochés les uns des autres. Tout s'arrangea néanmoins. Quand on apprit que Bonaparte arrivait avec des millions, les opinions se décidèrent généreusement à recevoir l'auguste victime. Les autorités civiles et religieuses furent ramenées à la même conviction. Joseph-Philippe Arrigui, vicaire général, publia un mandement. « La divine providence, disait la pieuse injonction, a voulu que nous fussions à l'avenir les sujets de Napoléon le Grand. L'île d'Elbe, élevée à un honneur aussi sublime, reçoit dans son sein loin du Seigneur. Nous ordonnons qu'un Te Deum solennel soit chanté en action de grâce, etc. » L'empereur avait écrit au général Dalem, commandant de la garnison française, qu'il eut à faire connaître aux Elbois qu'il avait fait choix de leur île pour son séjour, en considération de la douceur de leurs mœurs et de leur climat. Il mit pied à terre à Porto Ferraggio, au milieu du double salut de la frégate anglaise et des batteries de la côte. De là, il fut conduit sous le dais de la paroisse à l'église où l'on chanta le Te Deum. Le bedeau, maître des cérémonies, était un homme court et gros qui ne pouvait pas joindre ses mains autour de sa personne. Napoléon fut ensuite conduit à la mairie. Son logement y était préparé. On déploya le nouveau pavillon impérial, fond blanc, traversé d'une bande rouge semée de 3 abeilles d'or. 3 violons et 2 basses le suivaient avec des raclements d'allégresse. Le trône, dressé à la hâte dans la salle des bals publics, était décoré de papier doré et de loques d'écarlate. Le côté comédien de la nature du prisonnier s'arrangeait de ses parades. Napoléon jouait à la chapelle comme il amusait sa cour avec de vieux petits jeux dans l'intérieur de son palais aux Tuileries, allant après tuer des hommes par passe-temps. Il forma sa maison. Elle se composait de 4 chambellans, de 3 officiers d'ordonnance et de 2 fourriers du palais. Il déclara qu'il recevrait les dames 2 fois par semaine à 8 heures du soir. Il donna un bal, il s'empara, pour y résider, du pavillon destiné au génie militaire. Bonaparte retrouvait sans cesse dans sa vie les 2 sources dont elle était sortie, la démocratie et le pouvoir royal. Sa puissance lui venait des masses citoyennes, son rang, de son génie. Aussi le voyez-vous passer sans effort de la place publique au trône, des rois et des reines qui se pressaient autour de lui à Erfurt, aux boulangers et aux marchands d'huile qui dansaient dans sa grange à Porto Ferraggio. Il avait du peuple parmi les princes, du prince parmi les peuples. À 5 heures du matin, en bas de soie et en souliers à boucles, il présidait ses maçons à l'île d'Elbe. Établi dans son empire, inépuisable en acier dès les jours de Virgile. Insula in exhaustis calibum generosa metallis. Bonaparte n'avait point oublié les outrages qu'il venait de traverser. Il n'avait point renoncé à déchirer son suaire, mais il lui convenait de paraître enseveli, de faire seulement autour de son monument quelques apparitions de fantômes. C'est pourquoi, comme s'il n'eût pensé à autre chose, il s'empressa de descendre dans ses carrières de fer cristallisé et dément. on l'eût pris pour l'ancien inspecteur des mines de ses ci-devant états. Il se repentit d'avoir affecté jadis le revenu des forges d'Illua à la Légion d'honneur. 500 000 francs lui semblaient alors mieux valoir qu'une croix baignée dans le sang sur la poitrine de ses grenadiers. « Où avais-je la tête ? » dit-il. « Mais j'ai rendu plusieurs stupides décrets de cette nature. » Il fit un traité de commerce avec Livourne et se proposait d'en faire un autre avec Gênes. Vaille que vaille, il entreprit 5 ou 6 toises de grand chemin et traça l'emplacement de 4 grandes villes, de même que Didon dessina les limites de Carthage. Philosophe revenu des grandeurs humaines, il déclara qu'il voulait vivre désormais comme un juge de paix dans un comté d'Angleterre. Et pourtant, en gravissant un morne qui domine Porto Ferrajo, à la vue de la mer qui s'avançait de tous côtés au pied des falaises, ces mots lui échappèrent. « Diable, il faut l'avouer, mon île est très petite. » Dans quelques heures, il eut visité son domaine. Il y voulut joindre un rocher appelé Pianosa. « L'Europe va m'accuser, dit-il en riant, d'avoir déjà fait une conquête. » Les puissances alliées se réjouissaient de lui avoir laissé en dérision 400 soldats. Il ne lui en fallait pas davantage pour les rappeler tous sous le drapeau. La présence de Napoléon sur les côtes de l'Italie, qui avait vu commencer sa gloire et qui garde son souvenir, agitait tout. Murat était voisin. Ses amis, des étrangers, abordaient secrètement ou publiquement à sa retraite. Sa mère et sa sœur, la princesse Pauline, le visitèrent. On s'attendait à voir bientôt arriver Marie-Louise et son fils. En effet, parut une femme et un enfant. Reçue en grand mystère, elle alla demeurer dans une villa retirée, au coin le plus écarté de l'île. Sur le rivage de Gigi, Calypso parlait de son amour à Ulysse, qui, au lieu de l'écouter, songeait à se défendre des prétendants. Après 2 jours de repos, le Cygne du Nord reprit la mer pour aborder au Myrte de Baïe, emportant son petit dans sa yole blanche. Note. Le 1er septembre, Napoléon avait reçu la visite de la comtesse Walewska. Les souvenirs de Ponce, de l'héros, renferment à ce sujet de curieux détails. La chaleur excessive de l'été avait fatigué l'empereur, qui avait quitté Porto Ferrajo pour aller s'établir sous les châtaigniers touffus de Marciana. « De l'ombre et de l'eau, avait-il dit en riant, c'est le bonheur, et je vais chercher le bonheur. » Il fit dresser sous les arbres sa tente de campagne, pendant que Madame Mère venait habiter l'ermitage de Marciana. Un matin, une jeune femme, accompagnée d'un enfant de 4 ou 5 ans, débarquèrent mystérieusement dans l'île. Au cours de la traversée, la voyageuse, après avoir dit « le fils de l'empereur », avait ajouté « mon fils ». Évidemment, c'était l'impératrice et le roi de Rome. Les marins, la population, l'entourage de l'empereur ne le mirent pas un instant en doute. Cependant, la jeune dame s'était rendue immédiatement à Marciana et à la tente impériale. Madame la comtesse Walewska et son fils, dit Ponce de l'Hérault, souvenirs, anecdotes de l'île d'Elbe, pages 213 et 578, restèrent environ 50 heures avec l'empereur. Pendant ce temps, l'empereur ne reçut plus personne, pas même Madame Mère, et l'on peut dire qu'il se mit en grande quarantaine. Son isolement fut complet. Mais, après 50 heures, la dame alla s'embarquer à Longone pour retourner sur le continent, et elle partit par un coup de vent tel que les marins craignaient avec raison qu'il n'y eût danger imminent pour elle. Elle ne voulut écouter aucune représentation. L'empereur envoya un officier d'ordonnance pour faire retarder le départ de l'intrépide voyageuse. Elle était en pleine mer. L'empereur eut des heures d'angoisse. Ses alarmes durèrent jusqu'au moment où Madame la comtesse Walewska lui eut appris elle-même que le péril était passé. Fin de note. Si nous eussions été moins confiants, il nous eût été facile de découvrir l'approche d'une catastrophe. Bonaparte était trop près de son berceau et de ses conquêtes. Son île funèbre devait être plus lointaine et entourée de plus de flots. On ne s'explique pas comment les alliés avaient imaginé de reléguer Napoléon sur les rochers où il devait faire l'apprentissage de l'exil. Pouvait-on croire qu'à la vue des Apennins, qu'en sentant la poudre des champs de Montenotte, d'Arcole et de Marengo, qu'en découvrant Venise, Rome et Naples, ces 3 belles esclaves, les tentations les plus irrésistibles ne s'empareraient pas de son cœur? Avait-on oublié qu'il avait remué la terre et qu'il avait partout des admirateurs et des obligés, les uns et les autres ses complices? Son ambition était déçue, non éteinte. l'infortune et la vengeance en ranimaient les flammes. Quand le prince des ténèbres, du bord de l'univers créé, aperçut l'homme et le monde, il résolut de les perdre. Avant d'éclater, le terrible captif se contint pendant quelques semaines. Auprès de l'immense pharaon public qu'il tenait, son génie négociait une fortune ou un royaume. Les Fouchés, les Guzman d'Alfarache pullulaient. Le grand acteur avait établi depuis longtemps le mélodrame à sa police et s'était réservé la haute scène. Il s'amusait des victimes vulgaires qui disparaissaient dans les trappes de son théâtre. Le bonapartisme, dans la première année de la Restauration, passa du simple désir à l'action à mesure que ses espérances grandirent et qu'il eut mieux connu le caractère faible des Bourbons. Quand l'intrigue fut nouée au dehors, elle se noua au dedans et la conspiration devint flagrante. Sous l'habile admiration de M. Ferrand, M. de la Valette faisait la correspondance. Les courriers de la monarchie portaient les dépêches de l'Empire. On ne se cachait plus. Les caricatures annonçaient un retour souhaité. On voyait des aigles rentrer par les fenêtres du château des Tuileries, d'où sortait par les portes un troupeau de dindons. Le nain jaune ou vert parlait de plumes de canne. Les avertissements venaient de toutes parts et l'on n'y voulait pas croire. Le gouvernement suisse s'était inutilement empressé de prévenir le gouvernement du roi des menées de Joseph Bonaparte, retirées dans le pays de Vaud. Une femme arrivée de l'île d'Elbe donnait les détails les plus circonstanciés de ce qui se passait à Portoferraggio et la police la fit jeter en prison. On tenait pour certain que Napoléon n'oserait rien tenter avant la dissolution du Congrès et que, dans tous les cas, ses vues se tourneraient vers l'Italie. D'autres, plus avisés encore, faisaient des vœux pour que le petit caporal, l'ogre, le prisonnier, abordât les côtes de France. Cela serait trop heureux, on en finirait d'un seul coup. M. Pozzo di Borgo déclarait à Vienne que le délinquant serait accroché à une branche d'arbre. Si l'on pouvait avoir certains papiers, on y trouverait la preuve que dès 1814, une conspiration militaire est étourdie et marchait parallèlement avec la conspiration politique que le prince de Talleyrand conduisait à Vienne à l'instigation de Fouché. Les amis de Napoléon lui écrivirent que s'il ne hâtait son retour, il trouverait sa place prise aux Tuileries par le duc d'Orléans. Il s'imagine que cette révélation servit à précipiter le retour de l'empereur. Je suis convaincu de l'existence de ces menées, mais je crois aussi que la cause déterminante qui décida Bonaparte était tout simplement la nature de son génie. La conspiration de Drouet d'Erlon et de Lefebvre d'Esnoët venait d'éclater. Quelques jours avant la levée de boucliers de ses généraux, je dînais chez M. le maréchal Soult, nommé ministre de la guerre, le 3 décembre 1814. Un niais racontait l'exil de Louis XVIII à Hartwell. Le maréchal écoutait. À chaque circonstance, il répondait par ces deux mots « c'est historique ». On apportait les pantoufles de Sa Majesté, c'est historique. Le roi avalait les jours maigres, 3 œufs frais, avant de commencer son dîner, c'est historique. Cette réponse me frappa. Quand un gouvernement n'est pas solidement établi, tout homme dont la conscience ne compte pas devient, selon le plus ou moins d'énergie de son caractère, un quart, une moitié, un trois quarts de conspirateur. Il attend la décision de la fortune. Les événements font plus de traîtres que les opinions. Tout à coup, le télégraphe annonça aux braves et aux incrédules le débarquement de l'homme. Monsieur court à Lyon avec le duc d'Orléans et le maréchal Macdonald. Il en revient aussitôt. Le maréchal Soult, dénoncé à la Chambre des députés, cède sa place le 11 mars au duc de Feltre. Bonaparte rencontra devant lui, pour ministre de la guerre de Louis XVIII en 1815, le général qui avait été son dernier ministre de la guerre en 1814. La hardiesse de l'entreprise était inouïe. Sous le point de vue politique, on pourrait regarder cette entreprise comme le crime irrémissible et la faute capitale de Napoléon. Il savait que les princes encore réunis au Congrès, que l'Europe encore sous les armes, ne souffrirait pas son rétablissement. Son jugement devait l'avertir qu'un succès, s'il l'obtenait, ne pouvait être que d'un jour. il immolait à sa passion de reparaître sur la scène le repos d'un peuple qui lui avait prodigué son sang et ses trésors. Il exposait au démembrement la patrie dont il tenait tout ce qu'il avait été dans le passé et tout ce qu'il sera dans l'avenir. Il y eut, dans cette conception fantastique, un égoïsme féroce, un manque effroyable de reconnaissance et de générosité envers la France. Tout cela est vrai selon la raison pratique, pour un homme à entrailles plutôt qu'à cervelle. Mais pour les êtres de la nature de Napoléon, une raison d'une autre sorte existe. Ces créatures à haut renom ont une allure à part. Les comètes décrivent des courbes qui échappent au calcul. Elles ne sont liées à rien, ne paraissent bonnes à rien. S'il se trouve un globe sur leur passage, elles le brisent et rentrent dans les abîmes du ciel. Leurs lois ne sont connues que de Dieu. Les individus extraordinaires sont les monuments de l'intelligence humaine. Ils n'en sont pas la règle. Bonaparte fut donc moins déterminé à son entreprise par les faux rapports de ses amis que par la nécessité de son génie. Il se croisa en vertu de la foi qu'il avait en lui. Ce n'est pas tout de naître pour un grand homme. Il faut mourir. L'île d'Elbe était-elle une fin pour Napoléon ? Pouvait-il accepter la souveraineté d'un carré de légumes comme Dioclétien à Salone ? S'il eût attendu plus tard, aurait-il eu plus de chances de succès, alors qu'on eût été moins ému de son souvenir, que ses vieux soldats eussent quitté l'armée, que les nouvelles positions sociales eussent été prises ? Eh bien, il fit un coup de tête contre le monde. À son début, il dut croire ne s'être pas trompé sur le prestige de sa puissance. Une nuit, entre le 25 et le 26 février, au sortir d'un bal dont la princesse Borghèse faisait les honneurs, il s'évade avec la victoire, longtemps sa complice et sa camarade. Il franchit une mer couverte de nos flottes, rencontre deux frégates, un vaisseau de 74 et le brick de guerre, le Zéphyr, qui l'accoste et l'interroge. Il répond lui-même aux questions du capitaine. La mer et les flots le saluent et il poursuit sa course. Le tillac de l'inconstance en petit navire lui sert de promenoir et de cabinet. Il dicte au milieu des vents et fait copier sur cette table agitée trois proclamations à l'armée et à la France. Quelques felouques chargés de ses compagnons d'aventure portent, autour de sa barque amirale, pavillons blancs semés d'étoiles. Le 1er mars, à 3 heures du matin, il aborde la côte de France, entre Cannes et Antibes, dans le golfe Juan. Il descend, parcourt la rivière, cueille des violettes et bivouaque dans une plantation d'oliviers. La population stupéfaite se retire. Il manque Antibes et se jette dans les montagnes de Grasse, traverse Cernon, Barème, Digne et Gap. À Sisteron, 20 hommes le peuvent arrêter et il ne trouve personne. Il s'avance sans obstacle parmi ses habitants qui, quelques mois auparavant, avaient voulu l'égorger. Dans le vide qui se forme autour de son ombre gigantesque, s'il entre quelques soldats, ils sont invinciblement entraînés par l'attraction de ses aigles. Ses ennemis fascinés le cherchent et ne le voient pas. Il se cache dans sa gloire comme le lion du Sahara se cache dans les rayons du soleil pour se dérober aux regards des chasseurs éblouis. Enveloppés dans une trombe ardente, les fantômes sanglants d'Arcole, de Marengo, d'Austerlitz, d'Iéna, de Friedland, d'Elo, de la Moscova, de Lutzen, de Bautzen, lui font un cortège avec un million de morts. Du sein de cette colonne de feu et de nuées sortent à l'entrée des villes quelques coups de trompette mêlés aux signaux du labarum tricolore, et les portes des villes tombent. Lorsque Napoléon passa le Niémen à la tête de 400 000 fantassins et de 100 000 chevaux pour faire sauter le palais des Tsars à Moscou, il fut moins étonnant que lorsque, rompant son banc, jetant ses fers au visage des rois, il vint seul, de Cannes à Paris, couché paisiblement aux Tuileries. Auprès du prodige de l'invasion d'un seul homme, il en faut placer un autre qui fut le contre-coup du premier. La légitimité tomba en défaillance. La pâmoison du cœur de l'État gagna les membres et rendit la France immobile. Pendant 20 jours, Bonaparte marche par étapes. Ses aigles volent de clocher en clocher, et sur une route de 200 lieues, le gouvernement maître de tout, disposant de l'argent et des bras, ne trouve ni le temps ni le moyen de couper un pont, d'abattre un arbre, pour retarder au moins d'une heure la marche d'un homme à qui les populations ne s'opposaient pas, mais qu'elles ne suivaient pas non plus. Cette torpeur du gouvernement semblait d'autant plus déplorable que l'opinion publique à Paris était fort animée. Elle se fut prêtée à tout malgré la défection du maréchal Ney. Benjamin Constant écrivait dans les gazettes « Après avoir versé tous les fléaux sur notre patrie, il a quitté le sol de la France. Qui n'eût pensé qu'il le quittait pour toujours ? Tout à coup, il se présente et promet encore aux Français la liberté, la victoire, la paix. Auteur de la constitution la plus tyrannique qui régit la France, il parle aujourd'hui de liberté. Mais c'est lui qui, durant 14 ans, a miné et détruit la liberté. Il n'avait pas l'excuse des souvenirs, l'habitude du pouvoir. Il n'était pas né sous la pourpre. Ce sont ses concitoyens qu'il a asservis, ses égaux qu'il a enchaînés. Il n'avait pas hérité de la puissance. Il a voulu et médité la tyrannie. Quelle liberté peut-il promettre ? Ne sommes-nous pas 1000 fois plus libres que sous son empire ? Il promet la victoire et 3 fois il a laissé ses troupes en Égypte, en Espagne et en Russie, livrant ses compagnons d'armes à la triple agonie du froid, de la misère et du désespoir. Il a attiré sur la France l'humiliation d'être envahi. Il a perdu les conquêtes que nous avions faites avant lui. Il promet la paix et son nom seul est un signal de guerre. Le peuple assez malheureux pour le servir redeviendrait l'objet de la haine européenne. Son triomphe serait le commencement d'un combat à mort contre le monde civilisé. Il n'a donc rien à réclamer ni à offrir. Qui pourrait-il convaincre et qui pourrait-il séduire ? La guerre intestine, la guerre extérieure, voilà les présents qu'il nous apporte. L'ordre du jour du maréchal Soult, daté du 8 mars 1815, répète à peu près les idées de Benjamin Constant avec une effusion de loyauté. Soldats, cet homme qui naguère abdiqua aux yeux de l'Europe un pouvoir usurpé, dont il avait fait un si fatal usage, est descendu sur le sol français qu'il ne devait plus revoir. Que veut-il ? La guerre civile. Que cherche-t-il ? Des traîtres ? Où les trouvera-t-il ? Serait-ce parmi ces soldats qu'il a trompés et sacrifiés tant de fois en égarant leur bravoure ? Serait-ce au sein de ces familles que son nom seul remplit encore d'effroi ? Bonaparte nous méprise assez pour croire que nous pourrons abandonner un souverain légitime et bien-aimé pour partager le sort d'un homme qui n'est plus qu'un aventurier. Il le croit, l'insensé, et son dernier acte de démence achève de le faire connaître. Soldat, l'armée française est la plus brave armée de l'Europe. Elle sera aussi la plus fidèle. Rallions-nous autour de la bannière des Lys, à la voix de ce père du peuple, de ce digne héritier des vertus du grand Henri. Il vous a tracé lui-même les devoirs que vous avez à remplir. Il met à votre tête ce prince, modèle des chevaliers français, dont l'heureux retour dans notre patrie a déjà chassé l'usurpateur et qui aujourd'hui va, par sa présence, détruire son seul et dernier espoir. Louis XVIII se présenta le 16 mars à la Chambre des députés. Il s'agissait du destin de la France et du monde. Quand Sa Majesté entra, les députés et les spectateurs dans les tribunes se découvrirent et se levèrent. Une acclamation ébranla les murs de la salle. Louis XVIII monte lentement à son trône. Les princes, les maréchaux et les capitaines des gardes se rangent aux deux côtés du roi. Les cris cessent. Tout se tait. Dans cet intervalle de silence, on croyait entendre les pas lointains de Napoléon. Sa Majesté assise regarde un moment l'assemblée et prononce ce discours d'une voix ferme. « Messieurs, dans ce moment de crise où l'ennemi public a pénétré dans une partie de mon royaume et qu'il menace la liberté de tout le reste, je viens au milieu de vous resserrer encore les liens qui, vous unissant avec moi, font la force de l'État. » Je viens, en m'adressant à vous, exposer à toute la France mes sentiments et mes vœux. J'ai revu ma patrie, je l'ai réconciliée avec les puissances étrangères qui seront, n'en doutez pas, fidèles aux traités qui nous ont rendus à la paix. J'ai travaillé au bonheur de mon peuple. J'ai recueilli, je recueille tous les jours, les marques les plus touchantes de son amour. Pourrais-je, à 60 ans, mieux terminer ma carrière qu'en mourant pour sa défense ? Je ne crains donc rien pour moi. Mais je crains pour la France. Celui qui vient allumer parmi nous les torches de la guerre civile y apporte aussi le fléau de la guerre étrangère. Il vient remettre notre patrie sous son joug de fer. Il vient enfin détruire cette charte constitutionnelle que je vous ai donnée, cette charte, mon plus beau titre aux yeux de la postérité, cette charte que tous les Français chérissent et que je jure ici de maintenir. Rallions-nous donc autour d'elle. » Le roi parlait encore quand un nuage répandit l'obscurité dans la salle. Les yeux se tournèrent vers la voûte pour chercher la cause de cette soudaine nuit. Lorsque le monarque législateur cessa de parler, les cris de « Vive le roi !» recommencèrent au milieu des larmes. L'assemblée, dit avec vérité le moniteur, électrisée par les sublimes paroles du roi, était debout, les mains étendues vers le trône. On n'entendait que ces mots « Vive le roi !»« Mourir pour le roi !» « Le roi à la vie, à la mort !» répétez avec un transport que tous les cœurs français partageront. En effet, le spectacle était pathétique. Un vieux roi, infirme, qui, pour prix du massacre de sa famille et 23 années d'exil, avait apporté à la France la paix, la liberté, l'oubli de tous les outrages et de tous les malheurs. Ce patriarche des souverains venant déclarer aux députés de la nation qu'à son âge, après avoir revu sa patrie, il ne pouvait mieux terminer sa carrière qu'en mourant pour la défense de son peuple. Les princes jurèrent fidélité à la charte. Ces serments tardifs furent clos par celui du prince de Condé et par l'adhésion du père du duc d'Enghien. Cette héroïque race prête à s'éteindre, cette race d'épée patricienne, cherchant derrière la liberté un bouclier contre une épée plébéienne plus jeune, plus longue et plus cruelle, offrait, en raison d'une multitude de souvenirs, quelque chose d'extrêmement triste. Le discours de Louis XVIII, connu au dehors, excita des transports inexprimables. Paris était tout royaliste et demeura-t-il pendant les 100 jours. Les femmes particulièrement étaient bourbonistes. La jeunesse adore aujourd'hui le souvenir de Bonaparte parce qu'elle est humiliée du rôle que le gouvernement actuel fait jouer à la France en Europe. La jeunesse, en 1814, saluait la restauration parce qu'elle abattait le despotisme et relevait la liberté. Dans les rangs des volontaires royaux, on comptait M. Odilon Barrot, grand nombre d'élèves de l'école de médecine et l'école de droit tout entière. Celle-ci adressa la pétition suivante, le 13 mars, à la Chambre des députés. « Messieurs, nous nous offrons au roi et à la patrie. L'école de droit tout entière demande à marcher. Nous n'abandonnerons ni notre souverain, ni notre constitution. Fidèles à l'honneur français, nous vous demandons des armes. Le sentiment d'amour que nous portons à Louis XVIII vous répond de la constance de notre dévouement. Nous ne voulons plus de fer, nous voulons la liberté. Nous l'avons, on vient nous l'arracher. Nous la défendrons jusqu'à la mort. Vive le roi, vive la Constitution. » Dans ce langage énergique, naturel et sincère, on sent la générosité de la jeunesse et l'amour de la liberté. Ceux qui viennent nous dire aujourd'hui que la Restauration fut reçue avec dégoût et douleur par la France sont ou des ambitieux qui jouent une partie, ou des hommes naissants qui n'ont point connu l'oppression de Bonaparte, ou de vieux menteurs révolutionnaires impérialisés qui, après avoir applaudi comme les autres au retour des Bourbons, insultent maintenant, selon leur coutume, ce qui est tombé, et retournent à leur instinct de meurtre, de police et de servitude. Le discours du roi m'avait rempli d'espoir. Des conférences se tenaient chez le président de la Chambre des députés, M. Lainé. J'y rencontrais M. de Lafayette. Je ne l'avais jamais vu que de loin, à une autre époque, sous l'Assemblée constituante. Les propositions étaient diverses. La plupart, faibles, comme il advient dans le péril. Les uns voulaient que le roi quittât Paris et se retirât au Havre. Les autres parlaient de le transporter dans la Vendée. Ceux-ci barbouillaient des phrases en conclusion. Ceux-là disaient qu'il fallait attendre et voir venir. Ce qui venait était pourtant fort visible. J'exprimais une opinion fort différente. Chose singulière, M. de Lafayette l'appuya et avec chaleur. Note. M. de Lafayette confirme, dans des mémoires précieux, pour les faits que l'on a publiés depuis sa mort, la rencontre singulière de son opinion et de la mienne au retour de Bonaparte. M. de Lafayette aimait sincèrement l'honneur et la liberté. Note de Paris, 1840, Chateaubriand. Fin de note. M. Lainé et le maréchal Marmont étaient aussi de mon avis. Je disais donc que le roi tienne parole, qu'il reste dans sa capitale. La garde nationale est pour nous. assurons-nous de Vincennes. Nous avons les armes et l'argent. Avec l'argent, nous aurons la faiblesse et la cupidité. Si le roi quitte Paris, Paris laissera entrer Bonaparte. Bonaparte, maître de Paris et maître de la France. L'armée n'est pas passée tout entière à l'ennemi. Plusieurs régiments, beaucoup de généraux et d'officiers n'ont point encore trahi leur serment. Demeurons fermes, ils resteront fidèles. Dispersons la famille royale, ne gardons que le roi. Que monsieur aille au Havre, le duc de Berry à Lille, le duc de Bourbon dans la Vendée, le duc d'Orléans à Metz. Madame la duchesse et monsieur le duc d'Angoulême sont déjà dans le Midi. Nos divers points de résistance empêcheront Bonaparte de concentrer ses forces. Barricadons-nous dans Paris. Déjà les gardes nationales des départements voisins viennent à notre secours. Au milieu de ce mouvement, notre vieux monarque, sous la protection du testament de Louis XVI, la charte à la main, restera tranquille, assis sur son trône, aux Tuileries. Le corps diplomatique se rangera autour de lui. Les deux chambres se rassembleront dans les deux pavillons du château. La maison du roi campera sur le carrousel et dans le jardin des Tuileries. Nous borderons de canons les quais et la terrasse de l'eau. Que Bonaparte nous attaque dans cette position, qu'il emporte une à une nos barricades, qu'il bombarde Paris s'il le veut et s'il a des mortiers, qu'il se rende odieux à la population entière, et nous verrons le résultat de son entreprise. Résistons seulement 3 jours, et la victoire est à nous. Le roi, se défendant dans son château, causera un enthousiasme universel. Enfin, s'il doit mourir, qu'il meure digne de son rang. Que le dernier exploit de Napoléon soit l'égorgement d'un vieillard. Louis XVIII, en sacrifiant sa vie, gagnera la seule bataille qu'il aura livrée. Il la gagnera au profit de la liberté du genre humain. Ainsi je parlais. On n'est jamais reçu à dire que tout est perdu quand on n'a rien tenté. Qui aurait-il eu de plus beau qu'un vieux fils de Saint-Louis renversant avec des Français, en quelques moments, un homme que tous les rois conjurés de l'Europe avaient mis tant d'années à abattre? Cette résolution, en apparence désespérée, était au fond très raisonnable et n'offrait pas le moindre danger. Je resterai à toujours convaincu que Bonaparte, trouvant Paris ennemi et le roi présent, n'aurait pas essayé de les forcer. Sans artillerie, sans vivres, sans argent, il n'avait avec lui que des troupes réunies au hasard, encore flottantes, étonnées de leur brusque changement de cocarde, de leurs serments prononcés à la volée sur les chemins. Elles se seraient promptement divisées. Quelques heures de retard perdait Napoléon. Il suffisait d'avoir un peu de cœur. On pouvait déjà même compter sur une partie de l'armée. Les deux régiments suisses gardaient leur foi. Le maréchal Gouvion-Saint-Cyr ne fit-il pas reprendre la cocarde blanche à la garnison d'Orléans 2 jours après l'entrée de Bonaparte dans Paris? De Marseille à Bordeaux, tout reconnut l'autorité du roi pendant le mois de mars entier. À Bordeaux, les troupes hésitaient. Elles seraient restées à Madame la Duchesse d'Angoulême si l'on avait appris que le roi était aux Tuileries et que Paris se défendait. Les villes de province eussent imité Paris. Le 10e de ligne se battit très bien sous le duc d'Angoulême. Masséna se montrait cauteleux et incertain. À Lille, la garnison répondit à la vive proclamation du maréchal Mortier. Si toutes ces preuves d'une fidélité possible eurent lieu en dépit d'une fuite, que n'aurait-elle point été dans le cas d'une résistance? Mon plan adopté, les étrangers n'auraient point de nouveau ravagé la France. Nos princes ne seraient point revenus avec les armées ennemies. La légitimité eût été sauvée par elle-même. Une seule chose eût été à craindre après le succès, la trop grande confiance de la royauté dans ses forces et par conséquent des entreprises sur les droits de la nation. Pourquoi suis-je venu à une époque où j'étais si mal placé? Pourquoi ai-je été royaliste contre mon instinct dans un temps où une misérable race de cour ne pouvait ni m'entendre ni me comprendre? Pourquoi ai-je été jeté dans cette troupe de médiocrité qui me prenait pour un écervelé quand je parlais courage, pour un révolutionnaire quand je parlais liberté? Il s'agissait bien de défense. Le roi n'avait aucune frayeur. Et mon plan lui plaisait assez par une certaine grandeur Louis XIVe, mais d'autres figures étaient allongées. On emballait les diamants de la couronne, autrefois acquis des deniers particuliers des souverains, en laissant 33 millions écus au trésor et 42 millions en effet. Ces 75 millions étaient le fruit de l'impôt. Que ne le rendait-on au peuple plutôt que de le laisser à la tyrannie? Une double procession montait et descendait les escaliers du pavillon du Flore. On s'enquérait de ce qu'on avait à faire, point de réponse. On s'adressait au capitaine des gardes, on interrogeait les chapelains, les chantres, les aumôniers, rien, de vaines causeries, de vains débits de nouvelles, j'ai vu des jeunes gens pleurer de fureur en demandant inutilement des ordres et des armes. J'ai vu des femmes se trouver mal de colère et de mépris. Parvenir au roi, impossible, l'étiquette fermait la porte. La grande mesure décrétée contre Bonaparte fut un ordre de courir sus. Note. Ordonnance royale du 6 mars, déclarant Bonaparte traître et rebelle, et enjoignant à tout militaire, garde national ou simple citoyen de lui courir sus. Moniteur 7 mars. Fin de note. Louis XVIII s'enjambe, courir sus le conquérant qui enjambait la terre. Cette formule des anciennes lois, renouvelée à cette occasion, suffit pour montrer la portée d'esprit des hommes d'État de cette époque. Courir sus en 1815. Courir sus, et sus qui? Sus un loup? Sus un chef de brigand? Sus un seigneur félon? Non, sus Napoléon, qui avait couru sus les rois, les avait saisis et marqués pour jamais à l'épaule de son haine ineffaçable. De cette ordonnance, considérée de plus près, sortait une vérité politique que personne ne voyait. La race légitime, étrangère à la nation pendant 23 années, était restée au jour et à la place où la Révolution l'avait prise, tandis que la nation avait marché dans le temps et l'espace. De là, impossibilité de s'entendre et de se rejoindre. Religion, idées, intérêts, langage, terre et ciel, tout était différent pour le peuple et pour le roi, parce qu'ils étaient séparés par un quart de siècle équivalent à des siècles. Mais si l'ordre de courir sus paraît étrange par la conservation du vieil idiome de la loi, Bonaparte eut-il d'abord l'intention d'agir mieux tout en employant un nouveau langage? Des papiers de M. d'Hauterive, inventoriés par M. Artaud, prouvent qu'on eut beaucoup de peine à empêcher Napoléon de faire fusiller le duc d'Angoulême, malgré la pièce officielle du Moniteur, pièce de parade qui nous reste. Il trouvait mauvais que ce prince se fût défendu. Et pourtant le fugitif de l'île d'Elbe, en quittant Fontainebleau, avait recommandé aux soldats d'être fidèles au monarque que la France s'était choisi. La famille de Bonaparte avait été respectée. La reine Hortense avait accepté de Louis XVIII le titre de duchesse de Saint-Leu. Murat, qui régnait encore à Naples, n'eut son royaume vendu que par M. de Talleyrand pendant le congrès de Vienne. Cette époque où la franchise manque à tous serre le cœur. Chacun jetait en avant une profession de foi comme une passerelle pour traverser la difficulté du jour, quitte à changer de direction la difficulté franchie. La jeunesse seule était sincère parce qu'elle touchait à son berceau. Bonaparte déclare solennellement qu'il renonce à la couronne. Il part et revient au bout de 9 mois. Benjamin Constant imprime son énergique protestation contre le tyran. Il change en 24 heures. On verra plus tard, dans un autre livre de ses mémoires, qui lui inspira ce noble mouvement auquel la mobilité de sa nature ne lui permit pas de rester fidèle. Le maréchal Soult anime les troupes contre leur ancien capitaine. Quelques jours après, il rit aux éclats de sa proclamation dans le cabinet de Napoléon aux Tuileries et devient major général de l'armée à Waterloo. Le maréchal Ney baise les mains du roi, jure de lui ramener Bonaparte enfermé dans une cage de fer, et il livre à celui-ci tous les corps qu'il commande. Hélas, et le roi de France, il déclare qu'à 60 ans, il ne peut mieux terminer sa carrière qu'en mourant pour la défense de son peuple. Et il fuit à Gand. À cette impossibilité de vérité dans les sentiments, à ce désaccord entre les paroles et les actions, on se sent saisi de dégoût pour l'espèce humaine. Louis XVIII, au 20 mars, prétendait mourir au milieu de la France. S'il eût tenu parole, la légitimité pouvait encore durer un siècle. La nature même semblait avoir ôté au vieux roi la faculté de se retirer, en l'enchaînant d'infirmités salutaires. Mais les destinées futures de la race humaine eussent été entravées par l'accomplissement de la résolution de l'auteur de la charte. Bonaparte accourut au secours de l'avenir. Ce Christ de la mauvaise puissance prit par la main le nouveau paralytique. Il lui dit « Levez-vous et emportez votre lit ». Surge, tollie lectum tuum. Il était évident que l'on méditait une escompative. Dans la crainte d'être retenu, on n'avertissait pas même ceux qui, comme moi, auraient été fusillés 1 heure après l'entrée de Napoléon à Paris. je rencontrai le duc de Richelieu dans les Champs-Élysées. « On nous trompe, » me dit-il. « Je monte la garde ici, car je ne compte pas attendre tout seul l'empereur aux Tuileries. » Madame de Chateaubriand avait envoyé, le soir du 19, un domestique au carrousel, avec ordre de ne revenir que lorsqu'il aurait la certitude de la fuite du roi. À minuit, le domestique n'étant pas rentré, je m'allais coucher. Je venais de me mettre au lit quand M. Clausel de Coussergues entra. Il nous apprit que Sa Majesté était partie et qu'elle se dirigeait sur l'île. Il m'apportait cette nouvelle de la part du chancelier qui, me sachant en danger, violait pour moi le secret et m'envoyait 12 000 francs à reprendre sur mes appointements de ministre de Suède. Je m'obstinais à rester, ne voulant quitter Paris que quand je serais physiquement sûr du déménagement royal. Le domestique envoyé à la découverte revint. Il avait vu défiler les voitures de la cour. Madame de Chateaubriand me poussa dans sa voiture le 20 mars à 4 heures du matin. J'étais dans un tel accès de rage que je ne savais où j'allais ni ce que je faisais. Fin de la section 15.